La rivière, tout le monde balade, tout le monde allant marcher. La belle sonne en vine beau, tonnerre en vine beau, pour faire d'autres choses pour moi. La belle sonne, patience ma fille, allez si là la voix s'attaille et va down. Patience ma vie, a décidé là la voix à ta évanda, à la traque pour moi, bon Dieu m'en mêle, pour maman qui moi trop jeune pour marier, quand tu patient chérie, je vois ma bonne, si la va dire ou n'a note, tout ça n'en guerre. Patience ma vie. A décidé là, la France a taille et vandale. Ma science, ma vie. A décidé là, la France a taille et vandale. par ma porte. C'est moi-même Pendou, avec cheveux dorés. Depuis trois jours, la pluie a fait bouillir, le soleil a fait sécher. Ouvrez la porte pour moi. Wabam, le doublé de mon poids, mon tête et ses bagues. Tu es le bœuf salé, dans mon cœur est la coine. La garçon aussi beau, qui coule dans ma gagoine. Tu es le bœuf salé, dans mon cœur est la coine. La garçon aussi beau, qui coule dans ma gagoine. Bien fait, ma frégale d'amour, je suis où je suis aille, ma fesse est un bombard, chargé de victoire. Tu es le bœuf salé, dans mon cœur est la gloire, la casse aussi haut, qui coule dans ma gagoine. Tu es le bœuf salé, dans mon cœur est la gloire, la casse aussi haut, qui coule dans ma gagoine. Pas pleurer. Pas pleurer, chérie, pas pleurer. Pas pleurer, libéral, pas pleurer. Pas pleurer, chérie, pas pleurer. Il est minuit sonnant, maman met-elle dehors. Machine en sous-côté, à petite la soubrasse. Pas pleurer, libéral, pas pleurer. Pas pleurer, chérie, pas pleurer. Pas pleurer, libéral, pas pleurer. Pas pleurer, chérie, pas pleurer. Dans toute une maladie, maman met-elle de yo. Machine à sous-côté, à petite la soubrasse. Pas pleurer, libéral, pas pleurer. Pas pleurer, chérie, pas pleurer. Pas pleurer, libéral, pas pleurer. Pas pleurer, chérie, pas pleurer. Thank you. Toto, qu'est-ce qui frappe à ma porte? C'est moi-même ben doux, avec cheveux dorés. Depuis trois jours, la pluie a fait bouillir, soleil a fait sécher. Ouvrez la porte pour moi. Toto, toto, toto, toto, toto, toto.